Thank you. Niente, sem senkoš, no. Française épinglée par le Conseil de l'Europe dans un rapport du Comité européen contre la torture qui dénonce des cas de mauvais traitement. Il faut savoir que ces violences ont fait 36 morts et 2000 blessés pour la seule année 97. complètement. We'll be right back. Obey and live, or disobey and die.